mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Car mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. You're